Quand même tranquille dans le monde du sport ce matin, on va quand même parler des Saguenay de Chicoutimi qui ont un nouvel entraîneur adjoint. Il s'agit de Simon Gaudreau. Simon Gaudreau est bien connu dans le Haut-du-Lac puisqu'il a été, il est l'organisateur du tournoi Bout de Souffle qui est généralement présenté à Robertval mais qui sera présenté à Saint-Félicien cette année. Et Simon Gaudreau également a été l'entraîneur adjoint des élites de Jonquière et également un peu partout des équipes espoirs dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est une personnalité bien connue pour le hockey mineur dans le secteur. Parlons des Marquis de Jonquière, les Marquis qui ont annoncé hier la mise sous contrat de trois joueurs. C'est d'abord de Hugo Carpentier, également Benoît Graton et le nouveau venu Alexandre Quesnel. Et je termine avec du soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer du secteur. D'abord, en catégorie U12 masculin, victoire du Robertval 7-0 sur le FC de Saint-Félicien. À noter également que Métabetchouan-Acadacois a gagné 3-1 contre Dolbeau-Mississinée en catégorie U16 féminin. Dans la catégorie U16 féminin au niveau local, Alma 1, Robertval 0. Et il y avait également un match qui se déroulait aussi hier dans le senior féminin division 2. Victoire du Chinook 3-1 sur le FC du Lac Saint-Jean, on parle de Saint-Félicien. Et à Saint-Prime hier, victoire du FC de Robertval 6-0 contre le Boréal d'Alma dans la catégorie senior masculin division 1. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Samuel Girard qui a participé au camp des Prédateurs de Nashville au pré-camp. Il nous parle de son expérience. Également, vous pouvez écouter la chronique du soccer à Dolbeau-Mississinée avec Patrick Tropeano. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.